bien, nous aussi, on se régale de ses fautes. C'est Guillermo Guise. Hey, quelle transition! Ouais, t'as vu? Ça va, les amigos? Mais alors, ce que c'est qu'un problème d'élocution, maintenant. Dites, on est le 21 décembre, hein, aujourd'hui. Ouais. Et c'est une de mes journées préférées. Et j'y passe ça uniquement parce que Nagui n'est pas là. J'avoue, ça joue. Franchement, ça joue. Moi, j'aime bien quand Daniel et Leïla, ils sont sans Nagui. Tu les vois, ils sont livrés à eux-mêmes. C'est beaucoup trop mignon. Ils font genre, ils s'intéressent à l'invité et tout. Alors que d'habitude, Leïla, elle joue sur son téléphone au serpent. Daniel, il fait un risotto. Là, tu sens qu'ils se disent, ah, c'est notre chance. Ils se disent, c'est notre chance pour percer sur Inter et tout. Peut-être que la directrice écoute. N'importe quoi, ça serait. Bon, bref. On est le 21 décembre et à 11h02, heure de Paris, c'était le solstice d'hiver, les amigos. Solstice d'hiver, eh oui. Ouais. Solstice du latin sol, le soleil, et stis, un autre mot qu'on n'a pas eu le courage d'aller chercher, mais qui a sûrement une belle définition. Putain, je suis trop excité. Je vais vous apprendre plein de trucs, ça va vous faire tellement de bien. Dites, on est le jour de l'année où dans notre hémisphère, la Terre elle est inclinée au maximum par rapport au Soleil, parce qu'il s'avère que la Terre ne tourne pas qu'autour du Soleil, elle tourne également sur elle-même. Là, il y a Alexis et Morgane qui me regardent en mode « Mais arrête !» Ouais, je sais, c'est beaucoup d'informations en une fois. Je sais, mais moi aussi, quand on m'a dit que la Terre tournait autour du Soleil, j'étais là « Allez !» Ça m'a fait une brutalité. J'étais là « Mais quoi ? Attends, le Soleil, il monte, il descend, non ? Comme la carrière de... Ah, vous avez cru que j'allais donner un nom, hein, bande de chiens ? J'allais jouer sur la corde de la méchanceté gratuite, pas du tout. Que de la bienveillance aujourd'hui, parce qu'on est le 21 décembre, ouais. Une de mes dates préférées. Pourquoi ? Parce que les jours rallongent. C'est pas une bonne nouvelle, ça ? Si. Quel enthousiasme, ça va, j'ai dit que c'était une bonne nouvelle, j'ai pas dit que c'était une nouvelle incroyable, hein. J'ai pas dit je vais vous sortir une, c'est une nouvelle, il va y avoir des AVC de bonheur dans le studio, ça va monter sur les tables, ça va danser le jerk sur de la musique pop, sous les éclairs des stroboscopes, ça va danser le jerk, tchou le jerk. Est-ce que j'ai dit ça? Non. Est-ce que Thierry Hazard est intervenu dans la conversation? Non. À aucun moment. Mais c'est pas comme si en 2020 on avait d'autres, enfin, on croule pas sur les bonnes nouvelles, hein. C'est vrai, moi j'ai eu un début d'érection fin octobre. Arrête. Je me rappelle 7-8ème molle, c'était le meilleur moment de mon année, franchement. Direct, j'ai appelé Tanguy Pastureau, direct. Ça, je dis rien, mais ça, c'est un bon sujet de chronique, Tanguy. En parlant de ça, vous savez que le solstice d'hiver coïncide toutes les années avec la journée mondiale de l'orgasme. Vous savez ça ou pas? Non. Je vous avais dit que je vous apprendrais des trucs. Ernesto, en page toon, ça veut dire l'homme qui apporte des informations. Bien, cette journée est censée mettre en lumière un problème dont souffrent beaucoup de femmes, c'est-à-dire la dysorgasmie. Ou l'incapacité d'avoir un orgasme. Et pour une fois dans ma vie, je plaide non coupable. J'ai rien à voir là-dedans. Franchement, je ken tellement pas en ce moment que j'ai rien à voir avec les organes des uns et des autres. C'est pas ma faute. Franchement, pour le coup, merci le Covid, l'honneur est sauf. Mais bon, c'est une raison de plus pour célébrer le solstice d'hiver. Avant, vous savez qu'avant que Noël soit imposé par la chrétienté, c'était ça qu'on fêtait chez les païens. On appelait ça Yule. Yule, comme Yule. C'est vrai, le Yule. Le Yule, c'est vrai. C'est une fête païenne. Moi, Noël, c'est pas ma guerre. Vous allez me dire, ouais, touche pas à Noël, fils de puce. Noël, c'est une fête familiale. Ouais, fait une fête familiale, ça dépend pour qui. Moi, j'en ai parlé qu'une dinde. Elle m'a fait, ouais, c'est une fête familiale super, dans le sens où avant Noël, j'avais une famille, quoi. Tu vois ? Moi, je suis nul à Noël. Je fais des cadeaux nuls. Chaque année, je reçois des gants. C'est nul. C'est nul. Vivement qu'on lâche Noël et qu'on célèbre le retour à la lumière le 21 décembre. Allez, bonne émission. Bravo.